www.pwr.org. Un message d'espoir pour le monde. Chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir donné l'audience ce soir. Maintenant, nous continuons avec notre programme en suivant l'émission en bombarde. Un ignorant l'a dit. Un ignorant l'a dit. Un ignorant l'a dit.